L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Pascal Rambert, vous êtes auteur et metteur en scène de la pièce Actrice qui va être présentée à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise, au mois de février prochain pour les dates du 8 et du 9 février. Une pièce où il est question d'art du théâtre et de votre désir d'écrire pour les actrices, d'où peut-être le titre de cette pièce, Actrice au singulier. Oui, c'est une pièce que j'ai écrite pour les acteurs du théâtre d'art de Moscou, en Russie, donc, et que je crée ici maintenant, que j'ai créé au mois de décembre en France, au Théâtre des Bouffes du Nord, et qui est interprétée par une grande actrice française que j'aime particulièrement, qui est Marina Hans. Et donc, en effet, oui, c'est un texte qui est vraiment tourné vers l'amour du théâtre et l'amour de ceux qui le font, puisque c'est l'activité principale de ma vie. Oui. Est-ce à dire que vous estimez, en tant qu'auteur et metteur en scène, que la place qui est dédiée à la femme au théâtre est plutôt dans un rôle secondaire jusqu'à présent? C'est comme dans toute la société. On a besoin d'un retour à une forme d'égalité. Et sur les salaires et sur la place des actrices sur les scènes, peut-être. Historiquement, c'est vrai que les personnages ont toujours été plutôt des grands personnages masculins. Mais je suis pas le seul à le faire. Et en effet, il y a d'autres auteurs contemporains qui sont sensibles à ça et qui sont vigilants. D'autant plus qu'en tant qu'homme, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'aller dans le jardin de l'autre, hein, dans ce que je ne suis pas. Et donc, écrire en effet pour des actrices et puis des grandes actrices, c'est quelque chose qui me paraît non seulement nécessaire, mais absolument heureux à faire. Cette pièce intervient après déjà une collaboration, voire peut-être davantage, avec le Théâtre d'Art à Moscou. C'est une pièce précédente que vous avez mise en scène, je crois, Clôture de l'amour. Aucun rapport entre ces deux textes? Aucun rapport, si, du désir toujours de la part des producteurs de demander après une mise en scène de mes textes, une autre mise en scène de mes textes, d'écrire spécialement pour les acteurs, mais ça c'est ce que je fais partout dans le monde, donc c'est pas spécifique à la Russie, mais le texte en effet de Clôture de l'amour a été, j'en ai fait moi-même une quinzaine d'adaptations à travers le monde entier dans 15 langues différentes, mais comme souvent mes pièces en général, je les monte pas simplement en France, évidemment. D'accord. Mais la chose était qu'en effet, oui, c'était quelque chose de la part du Théâtre d'Art de Moscou de redemander un nouveau travail, comme souvent c'est le cas, comme ça se passe bien. Si je fais référence à cette précédente pièce, c'est que tous ces allers-retours que vous avez pu faire aussi à Moscou vous ont peut-être nourri et donné l'idée de cette pièce, Actrice. Oui, parce que quand j'écris, là je viens de faire au mois d'août une pièce pour que j'ai mise en scène à Taipei pour les acteurs taïwanais. Là, je suis en train d'écrire une pièce pour le Théâtre national du Portugal à Lisbonne. Donc chaque fois, je suis dans un rapport soit en France, soit à l'étranger. J'écris pour des corps, pour des acteurs précis. J'écris pas des pièces en l'air comme ça en me demandant ce que je vais écrire aujourd'hui. C'est des choses extrêmement précises puisque je les mets en scène ensuite. Et donc, quand j'étais à Moscou, oui, en effet, la pièce est très influencée par les rencontres que j'ai pu faire avec les acteurs. Elle est influencée par l'énergie de ce qu'est être souvent pour nous, quand on est en France, un acteur russe, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement, souvent très très fort, très énergique, avec beaucoup de force comme ça dans le jeu, mais aussi dans les histoires de ce pays immense et l'histoire géopolitique des dernières années. Donc c'est quelque chose qui toujours est là dans mon travail. Alors, ce qui est aussi l'observation faite par vous sur place, c'est qu'en Russie, on vient d'abord voir les acteurs, et vous écrivez même, le metteur en scène est tout à fait secondaire, avec aussi l'autre observation d'un rituel, voire d'un véritable culte pour les acteurs, qui est marqué par le fait que le public se vient apporter des fleurs aux acteurs. C'est une tradition, bien plus peut-être. Oui, mais enfin, on trouve ça aussi un peu à l'Opéra de Paris. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose de très, très, très frappant. D'ailleurs, si l'actrice est née comme ça, si le texte est né comme ça, c'est parce que j'étais tous les soirs en train de regarder des spectacles et que je voyais les sortes premières, ces moments absolument étonnants de spectateurs en larmes qui venaient apporter des fleurs aux acteurs pendant plusieurs très longues minutes. Mmh. Donc il y a quelque chose qui est très très fort comme ça dans la relation entre un peuple et ses artistes. La pièce nous raconte les derniers jours donc d'une immense actrice, d'ailleurs qui va se retrouver un petit peu dans ce qu'on vient de dire aussi, dans ce rapport au public et entourée de centaines, voire davantage de bouquets de fleurs provenant de ses admirateurs. C'est ça l'histoire ? Oui, c'est la passion du public pour les artistes. C'est difficile à expliquer, hein. On ne sait pas pourquoi on se projette à l'intérieur d'un autre, comme ça, de quelqu'un qui semble nous dire, pendant un moment, regardez comment vous vivez, regardez à la fois vos joies et vos faiblesses. Ça doit être ça qu'on vient chercher. On vient à la fois, engranger des émotions, on vient à la fois libérer du rire en soi. C'est notre métier de procurer ça chez les spectateurs. Vous parliez dans le premier rôle de Marina Hans que vous avez découvert dans une pièce de théâtre de Luc Bondy, c'est ça ? Vous avez élaboré, construit votre distribution ? Fort d'ailleurs, pardonnez-moi, je vous cite, d'une idée quand vous évoquez la distribution, elle doit se construire sur une chose souterraine et innommable qu'on appelle le désir. Tout est affaire de désir, même au théâtre en effet. Oui, parce que je travaille avec des grands acteurs tout le temps, là, c'est le cas, c'est une grosse pièce, hein. C'est quand même 15 rôles, donc je voulais mélanger, c'est comme si une pièce aussi étrangère, ça va d'enfants de 12 ans jusqu'à une vieille dame de 80 et plus. Donc on a comme ça une sorte d'éventail, comme ça, de toutes les générations, et je voulais donner ce que je fais souvent, puisque je travaille à peu près partout, dans le monde, à part en Australie et en Inde, sur tous les continents. Je voulais donner aussi la possibilité à des acteurs avec qui je travaille dans différents pays de venir ici travailler en France et de travailler avec moi alors que je travaille avec eux en Finlande, en Japon, en Chine, etc. Et donc, ça donne une distribution extrêmement différente de ce qu'on voit d'ordinaire, puisque généralement, il y a une forme d'unité à l'intérieur de la distribution. Moi, je pense qu'on peut faire une distribution, au contraire, qui est basée sur la différence entre les artistes, et notamment la différence entre les langues, les accents, les façons de parler, les façons de se tenir en scène, les différentes écoles de théâtre. Parce que moi, je crois à la vie et je crois à la différence des choses dans la vie. Et quand vous dites la différence, en effet, là, elle est vraiment culturelle également, des rôles incarnés par des Italiens, des Finlandais, des Chinois et bien d'autres peut-être ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est aussi toutes ces personnes avec qui je travaille à l'étranger, et je trouve que c'est... Alors ça peut aussi heurter, en se disant, on comprend pas très bien la langue française, ou alors il faut tendre l'oreille un peu plus pour... Mais ça fait partie, je trouve, de la beauté de ce qui fait, très très très simplement mon quotidien, à savoir répéter tous les jours dans une langue différente que le français, et vouloir faire entendre ça, et vouloir partager avec les spectateurs. Mmh. Une pièce pour 15 acteurs, 15 actrices, avec l'idée de la distribution telle que vous la concevez. On dit, ou j'ai lu, que dans ce travail d'écriture, parmi les pièces qui ont peut-être été inspirantes pour vous, je dis bien peut-être, ouais. On pense à La Mouette de Tchekhov. Oui, parce que La Mouette est toujours là. La Mouette, c'est toujours l'emblème qui est cousu sur le rideau du Théâtre d'Art de Moscou. La Mouette, c'est évidemment donc là où a été créée la pièce de Tchekhov. Quand on travaille au Théâtre d'Art de Moscou, on sort et sur le parvis, il y a la statue de Tchekhov. On rentre à l'intérieur pour répéter, il y a la statue de Stanislavski. Donc on est au milieu du centre de l'art, du théâtre du 19e siècle. Donc il y a quelque chose de très très fort là. Et de toute façon, La Mouette est de mon point de vue, une des pièces, disons, avec Hamlet, avec quelques autres pièces comme ça, des sortes de moments de cristallisation de la vie humaine, hein, soit dans son rapport amoureux ou son rapport tragique comme dans Hamlet. Et ce sont des pièces qui ont su, à un moment donné, cristalliser le temps de 2 heures ou 3, quelque chose qui nous semble être, qui nous appartient profondément. Donc La Mouette est tout le temps là, oui. Autre référence possible, là encore, et plus particulièrement pour la scène finale, Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Non. Non, c'est une question, hein. Bien sûr, je vous entends. Non, pas spécialement. Non, c'est pas. C'est d'ailleurs pas une pièce que je connais très très bien à l'échéance d'autres de Shakespeare, non. Sur le plan scénique, comment ça se passe? 15 acteurs qui se retrouvent tous ensemble ou qui, par intermittence, investissent la scène? C'est construit de façon différente des autres pièces que je peux écrire. Celle-là, elle est écrite de façon centrale avec le personnage de Marina Hant, donc de l'actrice qui lentement s'en va comme ça. Et donc chacun vient la voir. Il y a un rapport où on a besoin d'intimité quand on rentre dans une chambre de quelqu'un qui va mal. On ne veut pas être à 50 à dire la même chose, les mêmes âneries ou les mêmes clichés. Tout à fait. Et donc j'ai conservé, j'ai voulu absolument que chacun ait un moment comme ça pour lui dire des choses importantes. Comme souvent on dit des choses importantes. Alors des fois ça peut paraître trop important. Mais quand on se rapproche de la mort, il y a des choses qui se disent qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est bien portant et qu'on court sous le soleil dans la rue. Donc il y a quelque chose d'un rapport presque un peu de gravité. Parfois, d'aucuns peuvent penser de solennité, mais de gravité dans le rapport entre tous ceux qui viennent la voir et ceux qui et elle. Mais il y a aussi de grandes scènes, en effet, où ils sont à plusieurs et où c'est pas du tout ni tranquille, ni calme et ni solennel. Et parce que souvent la mort fait peur et la mort rend fou tout le monde. Et il n'y a pas qu'elle qui est comment dire presque victime de ce qui lui arrive, mais c'est tous ceux qui sont autour, qui gravitent autour d'elle, qui d'une certaine manière qui un peu comme un coup de pied dans une fourmilière, et chacun est déboussolé, la mort déboussole. Et les fleurs seront présentes dans l'idée qu'on a pu en parler ensemble? Ah bah oui, elles sont toujours présentes, les fleurs, elles sont même à l'origine de la scénographie que j'ai faite, c'est-à-dire je les ai achetées à Pékin au mois de juillet, où je faisais une de mes pièces là-bas, et je les ai faites venir spécialement, parce que c'est là-bas que ça se fabrique, les fleurs artificielles, et donc elles sont absolument... envahissantes, à la fois dans leur grâce, dans la beauté des couleurs, mais aussi dans ce qu'elles peuvent être, par ailleurs, entièrement étouffantes et presque mortelles, quoi. Dernier mot, il y a aussi une partie musicale qui accompagne le spectacle? Non. Non? D'accord. Non, il n'y a pas de partie musicale. Il y a des moments de musique, mais c'est pas quelque chose qui est pendant tout le spectacle. Voilà. Très bien. Je rappelle à nos auditeurs donc la pièce Actrice, une pièce qui raconte les derniers jours d'une immense actrice telle que nous venons d'en parler, avec à la fois l'auteur et le metteur en scène Pascal Rambert. Le texte a été publié, je pense qu'on peut le dire aussi. Bien sûr, oui, c'est comme toutes mes pièces, chez les Solitaires et Tempestifs. Merci à vous. Je rappelle à nos auditeurs deux représentations, deux occasions de découvrir ce spectacle, le jeudi 8 février à 19h30 et le vendredi 9 février à 20h30 à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise. Mille merci à vous. C'est moi. Merci infiniment. Au revoir. Merci.